الزاني أو نرجمه pourquoi on fait tout ça si Allah l'a condamné qu'il a fait zina ça sert à quoi de mettre un had et de l'appliquer ça sert à rien وكذلك tu lui donnes une réponse يعني عقليه rationnelle par exemple un exemple le fais pas c'est l'exemple que je donne il dit ça tu lui mets un gros coup il dit quoi tu m'as frappé il dit Allah l'a voulu que je te frappe ne me blâme pas c'est écrit dans le codage je vais te frapper il faut que tu acceptes comme toi tu veux qu'on accepte ce que tu as fait comme mal car là il est écrit et ben moi je t'ai frappé et je te dis je te réponds comme tu m'as répondu toi il a pas accepté ou tu lui prends sa voiture ou tu le prends bien à lui du coup tu prends voiture pourquoi tu la brûles c'est Allah qui a voulu que je la brûle ta voiture c'est le codeur selon ton raisonnement à toi il va dire mais non je dis, ben, toi aussi mais non au début donc ça c'est le talaroum les gens qui font ça c'est ils jouent et celui qui joue ben, tu joues avec lui avec ce genre de réponse et celui qui a aqil qui a une chouboret tu l'enlèves en lui donnant des fais comme celui-ci tu donnes l'exemple si quelqu'un te dit ceci réponds-lui cela après il va dire c'est vrai نعم هذا شاهد أن باب القدر هذا باب عظيم لكن هو سير الله كذلك faut pas rentrer dedans faut pas rentrer dedans tu vois apprendre les règles من الأدلة الظاهرة التي معنا أما خوض في le fait de rentrer dans le parler sans savoir c'est une porte d'égarement assurée et si tu as des wasawis comme a dit في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم ويقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله يبي الشيطان تقول كي يكري سلا كي يكري سلا tu pars كذي كي سيك أكري الله يدي من وجد ذلك فليستعيذ بالله ويزنتهي يرشح شوفه بعد الله il arrive tout de suite ça peut t'arriver un waswas qui vient mais tant que toi tu parles pas avec tu n'agis pas en conséquence خلاص سي فيني جاء في حديث كذلك أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدث بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم que Allah pardonne ma communauté ce qu'elle a comme situation dans sa tête ou des choses qu'on s'imagine tant que on n'agit pas on ne parle pas des fois tu t'imagines des choses أعوذ بالله tu vois elles viennent dans ta tête mais toi comme on dit laisse-la les sors pas et combat-les si tu peux les combattre mais le jour où tu commences à les sortir à en parler, à y appeler et à agir, c'est là que c'est un problème.